pas de peau. Et c'est Biscan qui couhou, prends tes jambes à ton cou. Si t'aimes pas les renois, je te montre à quel point on est relou car tu vois ça. Franchement ça me fout dans tous mes états quand je constate qu'il y a trop de cisra dans cet état. Ou encore quand j'entends des renois dénigrer des renois, viens de ma couleur et si jamais tu me demandes pourquoi, je te répondrai parce que pour réussir faut deux fois plus de niaque, plus de force pour tenir le respect. Toi-même tu sais serrer les coudes pour avancer, quels que soient les obstacles, jamais pensé à renoncer. Arrêtez, tu t'enflammes pour rien comme licencié. Surtout que t'es cramé mec, t'es plutôt censé penser afin d'agir dans le bon sens. La preuve de bon sens, réfléchir avant de se lancer. Mais tu sais, désolé d'offenser, dans cet état français tu pars dans les derniers quand t'es bien foncé. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui fier d'être négro. T'as pas de peau mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui fier d'être négro. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui fier d'être négro. T'as pas de peau mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui fier d'être négro. L'original en corse nègre, avec les mêmes propos. Alors pas de peau pour les fachos, j'en revendique ma couleur de peau. Et rien à faire si ça dérange, moi j'ai toujours le teint foncé. J'suis pas Jackson si c'est le cas, pardon Michael de t'offenser. Si, si, défendre ta peau est un délit, j'peux être coupable. Dans la merde jusqu'au cou, j'suis trop fier d'être un beau black. Un pur produit local, élevé au produit local. Mais vas-y mate le résultat, dégaine colossale. Franchement, j'préfère être franc, rien à foutre d'en faire c'est franc. Car j'ai vraiment pas la tête de Chirac ou Mitterrand. En plus de ça, trop différent, pour ma simple différence. Mon épitaphe crée de soucis et puis me donne pas les mêmes chances. Mais rien à foutre, j'suis pas d'ici. Et cela pour longtemps, alors pas de peau, j'assume ma peau au fortin. Pour tout biser, je vais tout niquer, tout retourner, tout démonter. Ça va faire mal, je vais remonter car les renois sont bien montés. Fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. Encore un noir qui revient foutre la foire, foutre les voix, tous les enfoirés du FN qui nous en font voir de toutes les couleurs. T'aimes ma couleur, respecte ma couleur, même si elle est responsable de ma douleur. Demande à mes grâces si j'en ai rien maigrie. Et s'il n'est pas trop aigri, et pleurerai partout, le monde est pris de mépris. Sur le fait, il ne peut pas nier. Près la main dans le sac, près la main dans le panier. Mais dis-moi, c'est quoi le truc, c'est quoi le délire? Pourquoi tu montes du doigt? Pourquoi tu trembles de peur? À chaque fois que tu croises un noir, change de trottoir, détale l'allure. Pour aller voter la droite, tu veux qu'on s'arrache de là, man? Tu mérites des droits, tu veux qu'on dégage, enfoiré. Mais dis-moi, ce qui te dérange, est-ce ma gueule ou bien ma gueule? À chaque fois que ta gueule la mange, mais mon gars, t'es mal barré. Je suis pas prêt de me tirer d'ici, je suis là pour des décennies, fallait pas me laisser naître ici. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. Pas de peau, fier de ma couleur de peau, fier d'être noir, oui, fier d'être négro. T'as pas de peau, mon pote, si t'aimes pas ma couleur de peau. T'as pas de peau,